Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gemozopo. L'émission La Parole est à vous. Avec ce soir, nos invités, les Coquelicots. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Michel et Daniel. Bonsoir. C'est ça. Alors, comment ça se passe, cette campagne des Coquelicots qui dure depuis 2 mois maintenant ? Plus. Plus ? 3 mois ? 3 mois. Octobre. Octobre. Octobre. Oui, octobre. Depuis octobre. Donc depuis octobre, il y a eu pas mal de manifestations. Vous pourriez nous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le mois d'octobre, déjà dans un premier temps. Oui, octobre, on avait déjà l'idée des Coquelicots de la Moselotte. C'était déjà lancé avec les dates, on avait déjà programmé des choses. Et puis, on a discuté avec Vosges Nature Environnement pour qu'on commence par un rassemblement au niveau départemental à Épinal. C'était donc, quand, ça? C'était au début octobre? Le 5, je crois. Le premier vendredi d'octobre. D'accord. C'est simple, c'est pas compliqué. Et puis après, on a commencé par Thiéfosse au mois de novembre. On a fait ensuite Vanier au mois de décembre. Sous une pluie battante, parce que on s'est mis dans un local, dans une salle. Le dernier rassemblement, c'était Saulsure. Il faisait froid, bien frais, mais bon, supportable. On a terminé aussi dans une salle, parce que c'est comme ça qu'on fait maintenant. Et bien, puis le prochain, c'est Saint-Amé, donc vendredi 1er. Henri 1er, vous êtes à Saint-Amé. Et après, on va à Cornimont. À quelle heure ? 18h30, comme d'habitude. 18h30, d'accord. On peut dire qu'il y avait du monde. Et du monde, au départ, on a commencé à 50 à Thiéfosse. Après, je crois qu'on est en moyenne à 70 personnes. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis Vanier, après Saussure, nous avons, les municipalités nous mettent à disposition une salle, naturellement suite à notre demande. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un moment de convivialité. C'est un peu l'auberge espagnole, naturellement. Les gens peuvent amener un peu ce qu'ils veulent à manger ou à boire. Et donc, c'est là que les échanges fusent. Et c'est là que, de toute façon, les idées vont sortir, les propositions qui pourront être faites. Et c'est justement, si nous sommes là ce soir à parler des Coquelicots de la Moselotte, donc notre collectif, c'est pour que les gens viennent apporter également. C'est pas la mode actuellement, hein, c'est pas une question de mode. C'est qu'ils viennent apporter leur doléance et dire qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse par rapport à ces cochonneries que sont les pesticides, à ces engins de mort, parce que ce sont des engins de mort, on ne peut pas dire ça autrement. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Donc, tout un chacun qui doit naturellement, comme moi, je suis actuellement très révolté par ceci, et je vous en ferai part tout à l'heure, de ma révolte pour les raisons dramatiques, donc, et qui viennent de peut-être également interpeller, et qu'ils interpellent aussi, parce que ça, comment dire, là ça bouge, c'est quand c'est le plus proche possible. Donc pourquoi pas interpeller leurs élus pour dire, voilà ce qu'on veut pour nous et pour nos enfants. Oui, donc c'est déjà un bon résumé de la situation actuelle. Donc pendant tout ce temps-là, depuis le début octobre, vous avez rencontré beaucoup de monde. Hein, beaucoup de personnes qui étaient sensibles au problème des pesticides. Alors, les gens, bien sûr, quand ils viennent, ils suivent attentivement les conférences que vous pouvez tenir, enfin les actions que vous pouvez tenir. Mais quel est le sentiment général ? Déjà, on est très bien accueillis, n'est-ce pas, Michel ? On est très, très bien accueillis. Il y a très, très peu de gens qui, refusent, par exemple, de signer le soutien. Rappelons quand même que le but de ces manifestations, c'est de récolter 5 millions de soutiens en 2 ans. Donc, mouvement lancé au niveau national. Donc, pourquoi ? Tout simplement pour interdire les pesticides. Oui, effectivement, donc les gens nous soutiennent, mais ils viennent également témoigner. Et pour tout simplement, parce que nous avons en plus de ça ouvert un cahier de doléances ou de témoignages, et parmi les témoignages que nous avons, il y en a des poignants, si vous voulez. Quand nous étions, par exemple, à Vanier, une dame de la Chapelle aux Bois est venue, parce qu'elle n'a pas osé parler, est venue tout simplement nous dire, elle nous a pris à part, elle nous a dit, mon frère de 60 ans, agriculteur, est mort des pesticides, et son fils a suivi, âgé de 46 ans. C'est un exemple. Vous avez également la première fois, la première manifestation. À Chapelle-aux-Bois. À Chapelle-aux-Bois, oui. Là où réside un sénateur vosgien. Pierre. Oui. Voilà. Et donc, celui, la fameuse pierre, je ne vais pas lui lancer une pierre, mais c'est le fameux monsieur qui, dans une émission de Cache Investigation, et on parlait naturellement du glyphosate, s'est projeté sur le caméraman pour lui jeter sa serviette parce qu'il était en train de casser la croûte bien grassement avec des gens des lobbies, justement des pesticides. Bon, ceci mis à part, ne parlons pas de ce monsieur-là, c'est pas... Il est malheureusement d'un certain côté, vous vous en doutez très bien, s'il est pas d'accord avec ce que je dis, bien qu'il vienne le dire. Il laisse une mauvaise image dans l'histoire avec... en particulier par cette émission de Cache Investigation. Exactement, donc ça a marqué tout le monde. Donc pour en continuer un peu avec les témoignages, donc quand nous êtes la première manifestation, nous étions nous deux, Michel, c'était avant la manifestation de Tiefos, et c'était au marché de producteurs de Tiefos. Et là, nous avons eu trois témoignages, par exemple. Le premier qui déjà nous a un peu surpris, c'est un monsieur qui est venu tout dire. Moi, je signe tout de suite. Mon père agriculteur est décédé de cela, des pesticides. Donc, ça vous marque quelque chose. Vous avez également, mais là, on ne peut pas le prouver naturellement, mais on a le droit de croire les gens. À Vanier, une dame, chaque fois qu'un agriculteur passe près de chez elle, parce qu'elle a à côté certainement de champs, on disperse les pesticides. Chaque fois qu'il y a passage des pesticides, elle saigne du nez. C'est quand même pas le fait du hasard. Ensuite, vous aviez des gens du Nord, parce que donc c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans ces manifestations-là, parce que, il y a un mouvement, mais c'est très sympathique, parce qu'il y a des échanges extraordinaires, naturellement sur un sujet qui est grave, mais ça ne nous empêche pas naturellement de rigoler, parce que c'est pas rigolo, c'est vraiment pas rigolo ces choses-là. Donc, les dames nous ont dit, nous sommes du Nord, donc le Nord c'est dans une zone de culture de la pomme de terre, hein, on pensait au Binch. Et donc, les agriculteurs belges qui peuvent venir, donc, qui cultivent des terres en France, viennent avec des pesticides, et elles nous l'ont certifié, viennent avec des pesticides interdits en France. Vous voyez donc, c'est multiple les attaques qu'on puisse avoir, et donc c'est un peu comme les agriculteurs dans le sud-ouest de la France qui vont acheter les pesticides interdits en Espagne, ça c'est connu, hein, voyez-vous. Donc, là, c'est les témoignages qui commencent. Mais quand on dit témoignages, ça voudrait dire aussi que ça va continuer. Les témoignages, certes, mais c'est surtout propositions. Et nous attendons des propositions de la part des gens qui viennent dans ces manifestations très, très sympathiques. Oui, c'est très sympathique. C'est chargé d'émotions. Moi, c'est ce que je ressens à chaque rassemblement parce que, La démarche, nos habitudes, on accueille, on dit bonjour, on remercie la municipalité de nous avoir attribué une salle, un espace pour se réunir. Et puis après, il y a un rituel, c'est la lecture de l'appel des coquelicots. Ça se fait dans le silence, sans qu'on le demande. C'est Alain qui le lit jusqu'à maintenant, il a la voix qui porte, qui va bien, le lit... Alain Lamotte. Il le lit très très bien, et c'est un moment très fort, et puis après on parle un peu de l'actualité, on parle des événements, un petit peu de ce qui s'est passé le mois précédent, on va dire, des choses comme ça, et puis après chaque personne peut prendre la parole librement, parler de son expérience. Pour l'instant on n'a pas eu trop de monde... qui ont témoigné, mais le premier qui a vraiment témoigné et qui nous a bien agréablement surpris, puisqu'en fait on ne le connaissait pas, c'est ça y est, je vais perdre son nom, François Didier de Vanier, qui nous a parlé l'ébéniste. L'ébéniste, oui. Voilà, peu importe, en fait. Lui a commencé à nous dire qu'il ne voulait pas qu'on laisse la planète comme elle est aux enfants, aux petits-enfants. Il s'est placé là comme papy. Et puis, ce qu'il a dit aussi, alors dès ce jour-là, il s'est inscrit au collectif. Donc le jour-là, on a eu deux personnes qui sont restées. Il y a lui et il y a Pascal Mougel de Cornimont. Donc nous, ça nous avait bien fait plaisir, puisqu'au départ, on était partis à trois, hein, toi, Daniel, Alain et moi. Et puis là, d'un coup, premier rassemblement, deux autres personnes qui viennent. Et ensuite, alors je termine avec François. François, après, à Saulsure, il nous a parlé des plateaux. Il est originaire des plateaux, là-haut. Herbin, non ? Oui, et il nous a expliqué, il nous a... Oui, sur le terrain. Comment il avait vu les choses évoluer. Dans le sens négatif, naturellement. Bien sûr, dans le sens négatif, même quand on est au plateau, c'est très beau, hein, là-haut. Hein, c'est évidemment chargé de beaucoup d'histoire. C'est magnifique. Mais c'est magnifique, c'est très beau. Et quand on pense, c'est ça qui est terrible. C'est qu'une poubelle est rentrée au bord de la route, vous la voyez. Mais un pesticide dans le sol, vous ne le voyez pas. Dans l'eau, vous ne le voyez pas. Dans vos cheveux, vous ne le voyez pas. Dans votre carotte, vous ne le voyez pas. Et ça, c'est mortel. Et puis, puisqu'on en est au niveau du collectif un peu, je voudrais... Un petit bémol quand même, parce que maintenant, on arrive facilement à déceler, par exemple, dans les cheveux, les pesticides. Oui, bien sûr. Non, non, mais... Encore faut-il qu'il y ait des laboratoires, etc., que des gens qui veulent bien... Oui, ben, si tu veux mettre de l'argent là-dedans, tu peux, hein, ceux qui veulent. Dans deux ans, on verra bien, mais on a déjà des preuves de gens qui en ont dans les cheveux, donc je veux dire, ça fera quand même plus parmi tant d'autres qui ont déjà été analysés. C'est pas inutile, mais je veux dire, pour l'instant, l'énergie, elle dépensée un peu ailleurs pour nous. Mais je voulais aussi ajouter les choses qui se passent, comme par exemple à Saulsure, et puis bon, je vais la nommer, mais Agnès Perrin, qui n'était pas dans notre collectif, mais qui a fait un boulot formidable à Saulsure. Donc je vais remercier Agnès, si quelqu'un la connaît, si elle nous entend, mais ça m'étonnerait. On lui fait un petit coucou. Depuis là-haut, voilà, bon, un petit coucou à Agnès, pour la remercier. Coucou Agnès. Très, très, très motivée. Bon, on était monté un matin, il faisait moins 5... avec mon épouse, on est monté à Saulsure pour la sortie de la boulangerie. Ben Agnès, elle était déjà dehors avec ses feuilles de signature. Et si je parle d'Agnès, c'est qu'on aimerait bien, à notre collectif et dans le mouvement des coquelicots, c'est que tous ceux qui nous entendent et qui ont envie de faire quelque chose, ben, qu'ils le fassent savoir, qu'ils se mobilisent, qu'ils viennent avec nous, ou qu'ils nous remplacent pour tracter, pour aller faire des... distribuer les tracts ou bien surtout pour ramasser des signatures. Parce que ça, c'est dans l'idée de nos coquelicots de la Moselotte, c'est de parcourir toute la vallée de la Moselotte. En fait, on a envie de semer des coquelicots pour couvrir les pesticides et les détruire. On a envie de couvrir des coquelicots sur la vallée de la Moselotte, c'est-à-dire on a envie de faire connaître le mouvement sur toute la vallée, déjà pour commencer. On est parti jusqu'au mois de juin. Donc, ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, on peut relayer votre information. Hein. Voilà. De ce côté-là, voilà. Donc, est tout à fait à voilà. Vos côtés. Alors, notre idée, et ça, voilà, ça y est, c'est revenu, j'ai tout retrouvé. C'était pas bien loin. En fait, quand on lance une action là, dans un village, là, en ce moment, c'est Saint-Amé qui se prépare activement. On va aux sorties des écoles distribuer et faire signer les parents. On va devant les boulangeries, on va dans les commerces. Moi, j'ai eu un accueil très, très sympathique à Saint-Amé, puisque encore ce matin, je suis allé mettre des feuilles à la pharmacie, dans un restaurant. La boulangerie était fermée, mais ils m'ont demandé d'en amener pour le début de la semaine, donc je vais y aller. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour dire, Daniel, les gens... Eh bien, en moins d'une demi-heure, c'est vendredi, oui, devant la boulangerie, et c'est incroyable, ou samedi matin. En une demi-heure, ce que j'ai ramassé comme signature. Et quasiment personne ne se débite. Donc l'objectif, nationalement, c'est 5 millions de signatures. Voilà. Pour provoquer quoi ? Ben justement, l'arrêt des pesticides, ça veut dire que nous serons un poids. Quand tu as comment dire, un soutien de 5 millions de signatures. Une consultation nationale, enfin, vous la provoquez finalement. C'est une véritable consultation. 5 millions, on n'aura jamais vu ça hein, dans des signatures. Jamais on voit ça au niveau national. Et donc c'est énorme. Et c'est pour ça qu'il faut encourager les gens à aller sur le site de nousvoulonsdescoquelicots.org, tout simplement parce que là, si vous êtes équipé, tout le monde n'est pas équipé, puis bon, ben c'est comme ça, hein, vous pouvez vous-même vous imprimer des feuilles de soutien que vous pouvez faire signer donc à vos proches, à vos amis, à vos enfants, à tout le monde. Et c'est ça dont nous avons besoin. Donc ces feuilles, de toute façon, il est marqué où on peut les envoyer, ben, sur le site naturellement Nous Voulons des Coquelicots. Il y a l'adresse qui est dessus, donc c'est tout facile à faire, et nous vous remercions à l'avance de faire ces gestes-là, parce qu'il faut que nous y arrivions tous ensemble, c'est gravissime. Et dans la suite de cette émission-là, nous vous parlerons de quelques cas, je vous parlais tout à l'heure de révoltés, je suis plus que révolté par rapport à ce qui arrive actuellement, et je vais vous en parler tout à l'heure. Oui, on va. Alors, tout de suite, Nous Voulons des Coquelicots, Solar Hotel, 22 rue Boulard, 75014 Paris. Hein, pour vous indiquer ce qui est marqué sur cette pétition. Oui, alors, mais vous distribuez aussi des pétitions. Non, mais ou encore, on peut nous les donner. Hein, on peut nous les donner parce que, en fait, aussi, au niveau de la Moselle, c'est pas que. Et vous les renvoyez en groupe. Voilà. Normalement, on a une action à faire. Enfin, c'est l'idée de Daniel, tu vas en parler peut-être. Ouais, c'est l'idée commune. De toute façon, comme on dit, notre façon est très horizontaux. Hein. Oui, mais il y en a toujours un qui a une idée, puis c'est tout le monde qui y travaille. Quoi. Ouais, on est bien travaillé couché, comme on dit. Non, mais vous avez fait un travail extraordinaire jusqu'à présent. Non, on n'a rien à notre... Ça méritait justement qu'on le valorise, ce travail à notre radio locale, qu'on le valorise, parce que c'est vrai que les gens ne sont pas forcément au courant. Et les autres médias, comment réagissent-ils? Est-ce que véritablement ils couvrent l'événement, ou bien c'est vraiment un peu disparate? C'est un peu mitigé. Il faut savoir quand même que au niveau national, ce mouvement-là est quand même, il est un peu, comment dire, masqué par le mouvement des Gilets jaunes. Excusez-moi d'avoir dit problème, c'est pas un problème surtout, c'est une réalité dramatique. Et voilà. Et donc, là, c'est un peu masqué par ça. Et nous avons quand même des fois la sensation que l'information doit être faite davantage. Il y a des personnellement, j'ai vu des AMAP qui n'étaient pas au courant, des choses comme ça. Donc des gens qui sont pourtant bien branchés, comme on dit, n'étaient pas au courant. Donc, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un bouche à oreille qui se fasse. Oui, ben c'est vrai que c'est un problème. Enfin, je dirais que un problème d'information. La circulation d'information, c'est un problème. Je dirais que déjà, il est en priorité au niveau national. Je vais le dire. Ici, la presse locale, il y a des journaux qui s'en font pas trop écho. Il faudrait qu'on fasse une grosse bêtise pour qu'on s'occupe de ça. Bon, bref. Il y a que son spectacle, on pourrait dire. Oui, son spectacle. Enfin, bon, voilà, mais bon, c'est tout. Il faut pas oublier que on est quand même bien relayé par la plupart des presses locales, sans problème. La presse informatique, on n'a aucun problème. Je ne donne pas de nom, mais les deux marchent très bien et très réactifs. On est en première page même depuis ce matin, dans le premier bandeau, là, on y est. Donc ça fait plaisir. Et à Saulsur, on a quand même eu Vosges Télévision. Oui. Là, on était très, très contents. Alors, oui, je dirais quand même, France Inter en a parlé. Ils en ont déjà parlé parce que tout simplement pour également un rappel, comme les 5 millions de soutien en 2 ans, à l'origine de cet appel-là sont principalement deux personnes, Fabrice Nicolino qui est un journaliste de Charlie Hebdo, et donc François Valrette qui est le directeur de l'association Génération Future, laquelle association est vraiment en pointe du combat contre les pesticides, sachant que pour votre information à tous également, dernière semaine de mars, cette association lance, comme à son habitude, au moins depuis, je dirais, 2007, de mémoire, parce que j'ai suivi ce mouvement-là, j'ai le droit de le dire, parce que j'ai suivi, donc la semaine sans pesticides. Donc dernière semaine de mars, et là également, il y a des événements qui vont se faire dans toute la France, parce que là, il peut y avoir des films, des marches, etc., etc. Tout comme d'ailleurs les coquelicots. D'ailleurs, à ce propos, Daniel, on avait fait une émission ensemble au moment de cette marche contre les pesticides. Exactement. Et donc, c'est un peu, parce que là, on oublie également de le dire, c'est pas qu'on oublie, il y a tellement de choses à dire aujourd'hui, et qu'en une heure, on ne pourra pas tout dire, mais sachant que les mouvements d'éco-cliquot, il y a un site interactif sur Internet, et là vous pouvez voir toutes les manifestations qui ont lieu chaque premier vendredi du mois à 18h30. Là, donc au mois de ce mois-ci, en fait, il y a eu, le mois de janvier, pardon, il y a eu plus de 600 manifestations dans toute la France. À travers toute la France. Le 4 janvier, oui. Le 4 janvier, alors que c'était quand même mal placé, c'est juste après les fêtes. Et précédemment, au mois de décembre, il y avait eu quand même plus de 800 manifestations. Je ne sais même pas s'il n'y a pas eu 900. Oui, 800 donc, et quelques. Entre 800 et 900. Oui. Et là, ça... on est déjà, Daniel, à, ce matin, je crois, 550 ou moins. Oui. De rassemblements prévus. D'accord. Donc, sachant que les derniers jours, ça va encore... Oui, ça monte très vite les derniers jours. On ira au moins... au chiffre du dernier rassemblement. Ah oui, c'est évident même. Voilà. Oui. Dans le débat qu'on a pu avoir avec les Gilets jaunes, il y a plusieurs personnes qui ont soulevé le problème des pesticides aussi. Hein, je crois quand même qu'unanimement, les Français ont pris conscience de l'impact de ces pesticides. Bon, il y a quand même l'interdiction des néonicotinoïdes, j'arrive à le dire du premier coup, qui a un petit progrès, quoi. Enfin, sachant que ça deviendra effectif à la fin de l'année, parce qu'on a eu souvent des personnes qui m'ont interpellé, qui nous ont interpellé sur la mortalité des abeilles, bien sûr. Hein. Parce que les pesticides, il n'y a pas que le Roundup, il y a d'autres problèmes aussi, quoi. Hein, avec la disparition des abeilles, on a été souvent alertés, on a fait des émissions. J'ai assisté aussi à une conférence débat au moment de la fête du miel à Ruau, Plombières-Ruau. Parce que c'est vrai que les pesticides, ce n'est pas uniquement le Roundup, enfin les glyphosates, il y a aussi tout le reste. Il y a les fongicides, les insecticides, bah oui. Etc. quoi. Donc, il y a toute petite victoire, c'est l'interdiction des néonicotinoïdes. Mais bon, il y a aussi les effets cocktails de différents pesticides et autres qui tuent les abeilles aujourd'hui. Est-ce que dans vos conférences, justement, ce problème a été abordé des abeilles? Non, c'est-à-dire... C'est enfin, ou des participants ont pu aborder le problème. C'est-à-dire que ce que nous faisons, donc, comme Michel l'a déjà dit tout à l'heure, on commence ça se déroule comment, ces petites manifestations-là, très, très, très sympathiques, à nos yeux, naturellement. Ça commence déjà par la lecture de l'appel. Ensuite, Michel prend souvent la parole pour dire un peu pour développer un peu qu'est-ce que c'est que le mouvement, etc., etc. Et puis après, nous pouvons parler effectivement de l'actualité pesticide. Donc, les abeilles, effectivement, on le dit, mais nous joignons à cette manifestation-là de l'information. Donc, il y a de l'information, certes, de notre part orale, mais il y a de l'information donc sous forme de tableaux, d'affiches, et qui montrent un petit peu des gros problèmes qui sont rencontrés par les pesticides, mais également les solutions qu'on peut apporter à tout ça. Par exemple, comme gros problème qu'on peut aborder, tout le monde a entendu parler, et malheureusement, et ça, c'est si vous voulez, quand l'affiche là, elle marque les gens, comme c'est pas permis, quand vous voyez les enfants qui naissent sans main ou sans bras, sans que naturellement on puisse prouver que c'est effectivement les pesticides, mais la présomption est tellement importante, on pourra en reparler après, la présomption est tellement importante, donc ça, c'est cette image là, ça choque, sachant que il vient encore de découvrir, je ne sais plus dans une autre région de France, parce qu'il s'est dans quatre régions. Hein, il y a l'Indre, il y a la Loire, je crois. Et au départ, c'était j'ai perdu la. Il n'y a pas eu en Bretagne. Non. Et attends, non, c'était l'Homme, Indre-et-Loire. Bordelais aussi, il y a eu des problèmes d'écoles qui sont situés. C'est pas loin des Alpes, mais ça me reviendra tout à l'heure, le truc. Malheureusement, ça. Donc, on fait cette information-là, et puis on parle de pesticides, les cochonneries, comme le métamsodium, par exemple. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Donc, on fait. Et ça nous permettra également de les compléter au fur et à mesure de l'information que nous avons. J'en profite d'ailleurs pour dire que si vous avez naturellement Internet, vous pouvez aller sur un site qui est extraordinaire au niveau environnemental. Il y en a plus, il y en a plusieurs. Donc il y a Agir pour l'environnement, donc c'est une association ça, mais un site également qui s'appelle Actu Environnement. Et là, vous avez vraiment de l'information sur ce qui se passe au niveau des pesticides. Mais ça balaye tous les sujets qui sont environnementaux, mais au niveau, pesticides, le sujet est tellement vaste, dramatique, que presque à chaque fois, on en parle. C'est peu dire. Quand on parle, quand le sujet est redondant comme ça, c'est vraiment, il y a problème. Alors, rien que par ça, on devrait se poser des questions. Tout comme vous pouvez vous poser des questions de par le fait que chaque fois que beaucoup dans les émissions, on va dire ne serait-ce qu'au niveau local, à la radio, on parle de ces cochonneries-là. C'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal qu'on en parle sans arrêt et puis qu'on va continuer encore à en parler. Ans. Et surtout, au moins. Ça va encore durer. Plus que ça. Et ça on va, y ça reviendra. Va, on y reviendra parce que. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, pourquoi on y reviendra ? Excusez-moi d'être aussi bavard, mais pourquoi on y reviendra ? Ben pourquoi ? Parce que tout simplement, toutes les cochonneries qui ont été balancées depuis des années, ben ça remonte à la surface, mais avec des effets naturellement très très très négatifs. Ça va être des effets sur cette génération actuelle, j'en parlerai tout à l'heure, mais ça va être affreux. Et il va y avoir aussi des effets naturellement qu'on connaît sur la biodiversité, puisque 80% des insectes ont disparu. Ça vous choque pas tout ça ? Ça fait peur, c'est quoi ? C'est l'apocalypse ou quoi ? Je veux pas faire peur, mais on aura quand même se poser des questions, dire halte là, révoltons-nous contre cet usage-là. Effectivement, les premières victimes sont les agriculteurs, on le sait que trop, et justement, il faut absolument qu'ils puissent s'en sortir, qu'on les aide à s'en sortir, parce qu'il est possible qu'ils s'en sortent à condition que, voilà. Condition qu'une véritable volonté politique et économique derrière. Ouais. On va y revenir, ouais. Mais après, on va s'accorder une pause musicale. Hein, c'est Michel qui a choisi, là. Et puis je voudrais aussi, après cette pause musicale, reprendre l'appel à la résistance, parce qu'on n'en a encore pas parlé. Voilà. Quand elle s'abre, nous va tout l'albore. Era quella naqua d'un ligore, mandatemi una mano per favore. Ti vege sbucian capo e gianto ride, ed è un altro senso alle mie lide. Fu per me come un animo a ride, e lui è Samui. Spegneremo Oui, nous reprenons l'antenne avec nos coquelicots de la vallée de la Moselotte, hein, de la Bresse à Saint-Amé, bien sûr. Non, Remiremont. Remiremont, oui. Ah, mais la Moselotte se jette à Saint-Étienne, enfin, en fait. D'accord. Jette dans la Moselle à Saint-Étienne. On va pas se battre, mais on va quand même prendre Remiremont avec nous. Non, ouais. Non, mais avec... Oui, vous avez parfaitement raison. Non, mais il y a un cri de ralliement en plus, hein, des coquelicots. Oui, on va y venir. Je voulais vous demander, il y a d'autres points dans le secteur, hein, dans notre couverture médiatique, on pourrait dire, qui aujourd'hui sont dans l'action. Oui, oui, ça a bougé aussi depuis le début, hein, au mois d'octobre déjà. Charme était déjà là. Charme a toujours été là jusqu'à maintenant. Il y a Gérard May aussi qui a démarré il y a tout de suite après aussi, un peu après nous, je crois le vendredi d'après. Il y a Saint-Dié. Et puis, tout près de nous, en Alsace, tout près, il y en a, au pied du massif. Il y en a aussi tout près en Meurthe-et-Moselle, il y en a tout près en Haute-Saône. Et dans les Vosges, il y en a eu un à Vittel aussi, oui. La dernière fois. Donc ça bouge. Épinal aussi, je crois, non ? Épinal. Alors il y en a un Épinal, cette fois, ce qui est déjà déclaré pour cette fois-ci. Donc pour l'instant, sont déclarés Épinal, Gérard May et nous... Saint-Amé. À Saint-Amé. C'est quand même vous qui avez démarré le plus fort dans la vallée de la Moselotte, quand même. Dans la vallée de la Moselotte, on est les seuls pour l'instant, mais c'est pas le plus fort. Non, on va pas dire le plus fort. C'est facile, je dirais, pour nous, à quelque part, parce qu'on est de la vallée de la Moselotte. Pour moi, depuis longtemps, je l'ai déjà dit, dans la vallée de la Moselotte, il y a une dynamique associative... Sensibilité. ...assez forte depuis longtemps. Et qu'il y a pas mal d'associations qui tournent bien. Bon, il y a eu... on va pas revenir sur nos... On va pas faire les vieux combattants, hein. Mais Ballast a apporté pour moi beaucoup de choses. Je vais pas tirer... Et il y a plein d'autres choses, hein. Ballast, c'est la voie verte, hein, rappelons-le. Mais aussi, par exemple, à Cornimont, il y a longtemps que vous avez pu utiliser de pesticides... La commune. Je crois qu'on est les premiers dans les Vosges. Pionnier. Daniel était le pionnier. Donc, la vallée de la Moselotte, c'est pas trop difficile. Alors, aussi à signaler, qui est important et qui est complètement dans notre esprit, c'est qu'à Thiéfos, il y a une AMAP qui tourne très très bien depuis plusieurs années. Ça fait moins 7-8 ans maintenant, hein, je crois. Il y a depuis peu un marché des producteurs locaux avec beaucoup de bio, d'une bonne agriculture. J'ai encore discuté avec un... On va dire une agriculture saine. Voilà. Et bon, alors... Bio, la plupart. Oui. L'agriculture raisonnée, attention, hein, il y a de l'enfumage au niveau national là-dessus. Ça, c'est pour camoufler des choses. Mais j'ai discuté avec un agriculteur, je pense qu'il va intervenir quand on sera dans Martin. Dans Martin, ça sera au mois d'avril. Et il faut qu'on aille le voir, qu'on aille discuter avec. Apparemment, ce qu'il fait, c'est pas mal. Parce qu'il y en a qui ne sont pas en bio. Il faut savoir aussi, c'est quand même un petit problème. Il faut 3 ans, hein, pour obtenir le label. C'est une chose. Et ils n'ont pas d'aide. Ils n'ont pas d'aide pour la reconversion en bio. Donc là, ça pose quand même... le problème, c'est un gros problème aussi, ça. Parce que... Oui, c'est le problème de la politique agricole commune. Voilà. C'est le problème politique de... On sait qu'il y a... La volonté politique, oui. Justement, d'aider l'agriculture. On sait qu'il y a un grand syndicat dominant à la grande industrie de l'agriculture, et à côté, et qui ne fait rien pour aller... Il faut dire ce qui est. Bon, ils vont dire que si, mais si on leur dit... Il y en avait un là, ils diraient, mais si, regardez, on a fait ci, on a fait ça. Non, non, c'est pas comme ça qu'on travaille. Je suis désolé. À l'heure actuelle... si on veut faire des reconversions, il faut donner des moyens. Et il faut faire des lois pour que ceux qui doivent se reconvertir puissent absolument être aidés. Quand on est vent debout contre la taxe sur les pesticides, il n'y a pas longtemps là, qui est sortie là. Eh bien, la FNSE a donc profité d'un peu du mouvement des Gilets jaunes pour demander au gouvernement qu'il retire sa taxe sur les pesticides, qui était seulement instaurée suite à la dernière loi sur l'alimentation là, qui a été discutée, hein, la loi Egalim. Donc c'était assez bienvenu, hein, de leur part, c'était extraordinaire. Donc mais ils s'en foutent ou quoi? Ils s'en foutent qu'il y ait des tas de gosses qui naissent avec des tas de problèmes, que les gens, les gamins deviennent stériles, qu'il y ait des tas de cancers, mais ils s'en foutent quoi, c'est quoi de ça? Oui, ils ont pas de problème. C'est vrai que. C'est vrai qu'il y a d'énormes problèmes. Je voudrais d'ailleurs rappeler un petit peu, parce que le mouvement Nous voulons des coquelicots. Alors pourquoi, pourquoi le coquelicot comme symbole, mais je voulais, en fait. Oui. Ah oui. Mais je voulais quand même terminer sur ce sujet. Oui, je peux, je peux. Oui, en parlant de la FNSEA, j'ai lu dans une revue sur la Confédération paysanne sur... les pesticides, et j'ai trouvé des propos de la FNSEA. Et c'est marrant, c'est des propos qu'ont utilisé le président de la République il n'y a pas longtemps. Alors je vais quand même en dire un mot. Je ne vais pas dire démission, mais je dirais fais voir un peu mieux ton travail. Parce qu'il y a quand même un problème et il va bien falloir. Soit moins sensible. Alors qu'on dénonce des choses. Moi, ce qui me gêne de ce qui a été dit. Là, récemment, à l'intervention, c'est que on dit qu'on n'a pas les preuves de la dangerosité, vraiment les preuves. On le dit. Voilà. Le chef de l'État qui dit ça. Et il dit, on va aider. Et puis, il a dit, alors, en tout début, on ne pourra pas. Mais il s'est permis de dire à des jeunes, du travail, il y en a, vous en trouverez si vous voulez. Donc, il y a quand même, c'est ce matin que je me suis dit, mais il y a une incohérence dans les discours. Soit on est complètement volontaire, soit on est complètement défaitiste, mais pas à une catégorie de personnes, on va dire, vous devez vous bouger, vous allez vous y arriver, et soi-même se dire, non, on n'y arrivera pas. Moi, j'aurais préféré qu'ils disent, on va se battre. Ça va pas être facile, il y a des gens qui sont installés depuis des années là-dedans, ils ont des habitudes. Ils ont des investissements. Moi, j'ai bien conscience que pour les agriculteurs, c'est pas facile. Il y a quand même l'agro-business. Hein, non, qui, Michel, mais toi, j'ai un copain qui est paysan. Qui pèse un poids sur les gouvernements. Oui, mais bien sûr, il faut parler aussi de celui qui est sur le terrain. Oui. Syndiqué ou pas, mais même pas syndiqué, et qui a investi dans des machines, du matériel. S'il veut passer au bio, il faut qu'il ait des aides, ou sinon, il ne peut pas se convertir comme ça. Ce n'est pas possible. Alors moi, ce que j'entends là, c'est qu'on nous dit, ceux qui veulent, ils vont essayer. Non, il faut être plus nerveux que ça, c'est pas possible. Non, mais il y a pas. On s'aperçoit quand même qu'il n'y a pas de volonté politique. Je citerai simplement une interview d'un député vosgien, qui est notre confrère de Vosges Matin. Et puis le journaliste dit, mais vous êtes en pleine contradiction, monsieur, puisque d'un côté, vous êtes contre les pesticides, et puis vous avez fait la promotion, la poursuite d'utilisation des pesticides jusqu'à 3 ans, hein, jusqu'à du Roundup jusqu'à 3 ans. Ah, il a dit, oui, mais ça ne peut pas se faire comme ça, etc. Or, je crois qu'aujourd'hui, quand même, il est prouvé que si vraiment il y a une volonté politique, dans l'espace d'un an, on peut renoncer, par exemple, au glyphosate. Je dirais pas un an, mais qu'on mette les moyens pour que tout de suite on fasse autre chose. C'est ça le problème. Qu'on mette les moyens tout de suite pour qu'on fasse autre chose. C'est pas comme. Enfin, pour moi ça, c'est une question de volonté. Il n'y a pas qu'une question de moyens. On a vu une interdiction à mettre en place. Oui, mais il faut se mettre à la place du paysan qui est là-dedans depuis des années. Moi, on a tous travaillé, on avait des habitudes au boulot. Nous faire changer d'habitude, c'est pas si simple que ça. Et moi, ça, je le comprends. Et je le conçois facilement. Mais si on me dit, voilà, on vient me trouver, un responsable d'agriculture, la FNSEA, si ça pouvait. Mais ça, c'est du rêve et de l'utopie, peut-être, certainement même. Je veux dire, écoutez, maintenant, il faut qu'on change. Si les syndicats agricoles disent, maintenant, il faut qu'on change, les politiques nous ont voté des aides. On va former les gens parce qu'on n'aborde plus la terre de la même manière. C'est pas toi qui me disais ça, Daniel, hier. C'est facile de cultiver avec des pesticides. On arrose, tout est détruit, on fait pousser juste ce qu'on veut, mais seulement les trucs, ça reste dans le sol, et puis après, c'est nous qui le consommons. Donc je veux dire, voilà, c'est tout. Je pense que c'est pas simple, Mais je pense qu'il faut avoir des déterminants et des volontés politiques fortes. Alors là, c'est ça, là, c'est pas le cas. Là, il faut quand même raccourcir. C'est là raccourcir les délais parce que. Mais attends. Alors justement, non, mais on n'y arrivera pas, hein. Si vous ne le savez pas, il y a une chose qui est dite. En France, on utilise à peu près 65 000 tonnes de pesticides. Je parle déjà seulement en tonnes, il y a des valeurs qui sont beaucoup plus représentatives par ça. Non. 65 000 tonnes de pesticides en France. Il y a eu donc deux plans éco-phyto. Le premier, c'était au temps de Sarkozy, là, c'était suite au Grenelle de l'environnement. Donc il avait été demandé de descendre de 50% les pesticides, etc., etc. Et chose, au contraire, les pesticides, l'utilisation des pesticides a augmenté. Mais il a quand même été prouvé qu'on peut descendre de 30% l'utilisation des pesticides sans que ça joue sur les rendements. Vous entendez bien ce chiffre, 30%. Mais 30% de 65 000 tonnes, ben ça fait presque 20 000 tonnes de pesticides en moins. Alors pourquoi on ne le fait pas? Alors peut-être que c'est la pression des lobbies. Mais quand on entend ce truc-là, parce que ce n'est pas la première fois que je le vois écrit, entendu, je ne dis pas que c'est valable pour toutes les cultures, je ne dis pas ça. Mais au moins, il y a une grosse partie, je ne dis pas que ce serait les 20 000 tonnes, mais on peut dire qu'on ne rêve pas si on descend de 10 000 tonnes les pesticides déjà. Parce que les pesticides, ça se retrouve dans l'eau, dans l'air, dans notre nourriture. C'est terrible tout ça. Voyez-vous ? Justement. Alors, vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure sur le symbole du coquelicot. C'est pas compliqué, hein. Oui, quand on va signer, tiens, au fait, on appelle les gens. C'est très symbolique. Pourquoi les coquelicots ? Ah oui, c'est vrai, on n'en voit plus des coquelicots. Ben oui, pourquoi on n'en voit plus ? Ben, c'est comme les oiseaux et puis tout le reste. Hein. C'est pas plus compliqué. C'est pour dire que le jour où... Parce que bon, les coquelicots, c'est beau. C'est sûr que s'il en restait, ben, on serait... Ça veut dire que... ça prouverait qu'on utilise... Ça irait que la terre est saine. Voilà. Puis... Voilà. C'est tout. Ben, la biodiversité, c'est vraiment... c'est quelque chose, la biodiversité. Et là, où ça a été arrosé... Je ne suis pas chimiste, hein, je ne suis pas spécialiste, mais si on va regarder vraiment, même quand on regarde, on ne nous dit pas ce qu'on a trouvé. Hein, ou ce qu'on n'a pas trouvé. Avec le risque de rendre la terre stérile, la terre, moi aussi, n'est-ce pas? Alors, je voudrais quand même lire « Nous voulons des coquelicots », c'est un appel à la résistance pour l'interdiction de tous les pesticides. Donc, si vous signez la pétition, que vous sachiez exactement de quoi il s'agit. Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l'eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et l'estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. L'exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou qui a choisi la fuite en avant quand un pesticide est interdit. 10 autres prennent sa place et il y en a des milliers. Justement, à ce propos, hein, je m'interromps juste une minute, j'ai vu aussi une revue écologique qui disait, mais de toute façon, quand le glyphosate sera interdit, hein, il donne des délais pour que Monsanto puisse fabriquer un produit tout aussi analogue et tout aussi nocif. Et puis, et c'est pour ça qu'on attend, qu'on attend indéfiniment pour interdire les glyphosates. Moi, ce que j'entends surtout, c'est qu'en fait, les procès, parce qu'il y a, je sais plus combien, il y a des milliers de plaintes aux États-Unis contre Monsanto, parce qu'il y a eu un procès, un jardinier donc, de ville a donc gagné son procès contre Monsanto, naturellement qui fait appel. Mais si jamais, donc ça va être définitif, je pense que Monsanto va souffrir énormément. Je souhaite qu'il souffre parce qu'il faut arrêter ça. Faut arrêter. Donc, beaucoup de gens d'ailleurs... C'est des criminels par rapport à l'environnement. Mais bien sûr, maintenant, de toute façon, ce sont des criminels, tout le monde peut le dire, hein, de toute façon, ce sont des criminels. Et on laisse faire les criminels, c'est bizarre, moi, si je dépasse mon 80 à l'heure, ben, je me ramasse tout de suite un topic et je dois payer. Et tous ces gens-là qui tuent, ben, ils sont là. Et sachant qu'en plus de ça, on ne les poursuit pas pénalement. Ils rendent malades. Non, il n'y a pas de loi en plus de ça. Et puis en plus de ça, ils ne seront pas poursuivis pénalement. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de loi d'interdiction. Par contre, il y a des procès retentissants. Oui. Hein, alors qu'en Europe, on pourrait prendre quand même des mesures un peu plus coercitives, n'est-ce pas ? Nous ne reconnaissons plus notre pays, dit les coquelicots. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. La moitié des papillons en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Les grenouilles et les sauterelles qui succombent. Chaque lumière qui s'éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots. Rendez-nous la beauté du monde. Non, nous ne voulons plus à aucun prix. Nous exigeons protection, nous exigeons de nos gouvernants l'interdiction de tous les pesticides de synthèse en France. Voilà le texte de la pétition. Hein. Le texte de... Excuse-moi. Et voilà le texte donc déclaration qu'on invite bien sûr tous nos éditeurs à signer avec les coquelicots puisqu'il y en aura à disposition. Et puis vous nous rappellerez le site internet aussi sur lequel les gens peuvent pétitionner. Donc le but est bien 5 millions de signatures à terme. Voilà, bon, il nous reste encore quelques temps pour cette émission. Il nous reste encore à peu près un quart d'heure. Alors, pour l'avenir... Parlez-nous un petit peu des actions futures. On sait que le premier à Saint-Amé, donc il y a une conférence débat, c'est ça ? Ah, c'est pas une conférence débat, c'est un rassemblement. C'est un rassemblement. D'accord. Un rassemblement où on peut débattre. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'on disait qu'il y a des témoignages et nous souhaitons les témoignages des gens pour dire oui, donc oui. Quand il y a des problèmes, comme on les a cités tout à l'heure, mais qu'ils viennent le dire, il faut dénoncer ça parce que nous ferons remonter toutes ces choses-là donc aux initiateurs du mouvement. Oui, il faut qu'il y ait des autres personnes que nous qui avons lancé le mouvement. Après, on va dire, c'est le mouvement des coquelicots de la Moselotte, oui, ben voilà. Mais il y a plein de gens qui ont des choses à dire. Bien sûr. C'est quand même, quand on ramasse les signatures, voir les remarques des gens, hein, c'est minimum 95% des personnes. Ah ouais, super, moi je signe tout de suite. Hein. Il y a quelques rares qui restent, hein, qui n'ont pas tout compris, puis qui en ont peut-être un stock chez eux, ou qui pensent que c'est pas grave, mais bon, ils se sont pas renseignés, ils ont pas... Bon, bref, hein, soit. Mais franchement, il y a un mouvement, et il faut qu'on soit nombreux, il faut que ce soit tout le monde, ben, la base des gens, le peuple, on va dire, qui prennent en main tout ça, qui disent, qui soient là. Les rassemblements, c'est peut-être par là où on fait le plus de signatures. Mais c'est là où on échange, c'est là où on médiatise, parce qu'en fait, c'est annoncé dans la presse, il y a du monde, on vient, et puis bon, il y en a qui ne pensaient pas que ça existait, ce mouvement. Donc, les rassemblements, c'est une chose, les signatures, c'est autre chose, mais il faut qu'on se mobilise tous. Complètement. Mais je pensais à quelque chose. Alors, vous allez me donner votre opinion sur cette question, parce qu'il y a quand même énormément de marchands qui parce que c'est bien beau de dire, eh ben oui, de dénoncer ça, mais il y a quand même des gens qui vendent ces produits-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une information devant certaines jardineries, certains magasins qui commercialisent ces produits? Parce que là, même si pour le citoyen moyen, c'est très réglementé, l'utilisation des glyphosates. Ah non, attends, il faut dire, non, maintenant, il y a la loi qui existe. Hein, donc, il y a deux ans, c'était l'interdiction pour les communes d'utiliser les pesticides. Maintenant, c'est interdit la vente aux particuliers. Donc, la vente... Elle est réglementée, hein, c'est-à-dire qu'il faut... C'est interdit. En principe, c'est interdit, parce qu'il y a un article très intéressant dans Que choisir à ce propos-là, parce qu'on continue à en vendre dans les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés. Il y a à peu près 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Il y a quelques pesticides qui sont autorisés, mais c'est pas... Pense que, bon, j'ai pas approfondi la chose. Non, c'est l'avant-dernier. J'ai pas approfondi la chose de comment dire sur les pesticides qui sont encore autorisés, mais la majeure partie des pesticides sont interdits à la vente. Et à l'utilisation. Et d'autre part, maintenant, il y a de la part des professionnels, donc de la vente, la séparation entre le vendeur et le conseiller, qui n'était pas faite auparavant, donc c'était jugé parti. Mais je voudrais quand même, dans cette émission-là, parler d'un problème hyper, hyper important. Oui. Vous avez entendu parler des couches bébés qui sont, polluées, donc les couches changeables des bébés. Donc, polluées par quoi ? Je vais en parler. Oui, les couches bébés, je vais en parler. Donc, je vais vous dire un peu. Je vais lire un article d'un journal qui s'appelle Le Canard Enchaîné. Mais c'est pas parce qu'il s'appelle Le Canard Enchaîné que l'article n'est pas, crédible. Il est plus que crédible. Il est plus que crédible, d'autant plus que c'est une information que personnellement je connais d'au moins depuis 10 ans. Et je suis révolté qu'actuellement, subitement, on découvre des choses alors qu'on le sait pertinemment. 10 ans qu'on sait ces choses-là, minimum. Donc, je vais vous lire l'article, et je pense que vous allez être effaré comme moi je le suis encore en le lisant. Je lis. C'est connu. Les fabricants de couches n'apprécient pas les fuites. Et celle de ce rapport de la très officielle Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES, ne vont pas leur plaire. Et pourtant, l'ANSES, c'est pas des gens qui, en général, sont du côté de notre côté, on va dire. Hein. Donc, après 2 ans de travail, l'ANSES vient de conclure dans un avis rendu ce mercredi 23 janvier 2019 que ces changes jetables sont potentiellement dangereux pour la santé des nourrissons. En analysant les 23 types de couches les plus commercialisées en France, y compris les modèles estampillés écologiques, l'agence y a décelé un cocktail de substances chimiques dont certaines sont carrément toxiques. C'est la confirmation officielle de curiosité déjà relevé par 60 millions de consommateurs en 2017, puis en 2018. Parmi les cochonneries identifiées, des traces de pesticides, dont le fameux glyphosate Roundup, mais aussi de 3 autres produits phytosanitaires interdits au sein de l'Union européenne. Autre cajolerie pour l'épiderme des nourrissons, des PCB, des furanes, des dioxydes polluants issus du traitement chimique à base d'agents chlorés utilisés pour blanchir les langes. Ça fait penser à la chlorie, hein, le blanchiment. Et oui. Comme par hasard. Dans la quasi-totalité des couches, en effet, le coton a été remplacé par un mélange de cellulose, une fibre issue du bois naturellement, et de différentes matières plastiques. Enfin, les températures élevées requises pour la fabrication de ces produits génèrent des hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, parfois cancérogènes. Durant leur investigation, les experts de l'agence ont mis en évidence des dépassements de seuils sanitaires pour plusieurs de ces contaminants. Les HAP, qu'on allait dire tout à l'heure, les PCB, les furans, les dioxines, mais aussi 2 substances parfumantes volontairement assaisonnées par les industriels, avec pour conséquence, cité par les experts, un risque accru d'allergie cutanée, d'affection du foie, de dérèglement de l'appareil reproductif et même à long terme de cancer. Bizarrement, c'est la première fois au monde qu'une agence sanitaire, première fois au monde, se saisit du sujet. Ça veut dire qu'elle se saisit du sujet, c'est que c'est extrêmement grave. Hein ? Enquêter sur les couches pour bébés, ainsi donc l'ANSES déplore le manque d'empressement des industriels à fournir des données. Les auditions menées n'ont pas permis de connaître avec précision la nature des matériaux avec lesquels sont fabriquées les couches pour bébés à usage unique. Le même manque d'informations a été constaté pour la description des auxiliaires de fabrication comme les colles ou les substances ajoutées intentionnellement, parfum, encre, pour ne rien arranger. Il n'existe aucune norme spécifique pour les substances chimiques utilisées dans ces couches. Et aucune obligation de les mentionner sur l'emballage. C'est pourquoi l'ANSES recommande, au regard des risques que peuvent présenter ces substances et de la population particulièrement sensible concernée, de revoir la réglementation. Quant aux industriels, ils sont pris de supprimer sans attendre les parfums, de prêter d'attention accrue aux matières premières susceptibles d'être contaminées ou d'améliorer les procédés de fabrication. Alors quand je lis ça, quand je vous ai lu cet article-là, quand on sait maintenant que dans les années 2030 à peu près, un gars sur deux sera stérile. Vous comprenez pourquoi déjà c'était dit ce truc-là. Donc c'est déjà une explication. Mais quand vous savez aussi que en fait ces couches-là, elles rendent d'autant plus stériles les garçons, les futurs petits hommes-là. Pourquoi? Parce que ce sont des bouillottes ces couches. Et là, ça les rend stériles. Donc en fait, c'est dramatique. Alors vous voyez, ce qu'il faut dire également, c'est par rapport aux conséquences qu'on ne mesure pas, les conséquences, le coût qu'on ne mesure pas, qu'on ne veut pas mesurer. Ça, tout ça, c'est un coût énorme. Ça va être un coût qui va être répercuté naturellement sur les coûts de la Sécu. Et puis après, on vient nous emmener emmerdés pour des tas de choses. On vient nous supprimer des aides à tout niveau. Et pourquoi ? Alors là, ça va être des bombes à retardement. Et c'est pour ça que, s'il vous plaît, soutenez ce mouvement. Voilà. Ce qu'il fallait dire. On va s'accorder encore une dernière pause musicale. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Hein. Le technicien nous fait signe qu'on n'aura pas le temps de faire une nouvelle pause musicale. Oui. Hein, puisqu'on, ah bah d'ici là, Émilie Loiseau aura le temps de te faire sa chanson. Le prochain coup, on pourra. Bah oui, on pourra conclure l'émission après. Après, on pourra passer à la fin, après l'émission. Voilà. Il nous reste combien ? Quelques minutes seulement. 2 minutes seulement. Alors, il est temps de conclure, puisque cette émission. Je pense qu'on pourra se donner rendez-vous quand même une autre fois, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas tout dit en une heure. On a dit l'essentiel, je pense, quand même. Non, il y a tellement de choses à dire. Ah, ben oui, il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On pourra se revoir. Mais là, on est sur les actions déjà sur le terrain. Et on essaiera de se revoir pour faire un bilan quand même avant la fin des actions, de toute façon. Et puis même relancer l'appel, bien entendu. Il ne reste plus que 2 minutes, mais j'aurais pu. Non, pas 2 minutes. Hein. pas 2 minutes. J'aurais pu me permettre de lire un article, mais il est trop long. Ah oui. C'est d'aller sur Internet, toujours Internet, comme quoi c'est quand même utile. Le discours de Greta Thunberg, une fille de 15 ans, ah oui. Qui a fait un discours à la COP24 en France. Oui, Greta parle pour le climat. On en a parlé. Elle parle pour le climat. Même ces démarches et le concept collent parfaitement pour la lutte contre les pesticides. Et 2 mots pour terminer. Elle dit aux gens de la COP, vous dites aimer vos enfants plus que tout au monde, et vous volez pourtant leur avenir, juste devant leurs yeux. Eh oui. C'est une fille de 15 ans. Hier soir, j'ai vu à la télé deux autres jeunes. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne va pas à l'école un jour par semaine. Vendredi. Et justement, il doit y avoir au mois de mars, je crois que c'est le 15 mars, un mouvement national de grève des lycéens. International, pardon. Voilà. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis en souhaitant, bien sûr, de nombreuses signatures des pétitions que nous ne manquerons pas de relayer à notre niveau de notre radio locale. Voilà, à très bientôt sur l'antenne. Quant à moi, je souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.